a millionaire. Sicilian bitch with long hair, with coconut dairy gear, like smoking the thinnest air. I open a Lamborghini, hoping them crackers see me. Like, look at that bastard Weezy, he's a beast, he's a dog, he's the motherfucking problem. Okay, you're a goon, but what's a goon to a gobbler? Nothing. You ain't scaring nothing on some faggot bullshit. Call him Dennis Rodman. Call me with your own peach. Call me on my sidekick. Never answer when it's private. Damn, I hate a shy bitch. Don't you hate a shy bitch? Yeah, I hate a shy bitch. She ain't shy no more. She changed her name to my bitch. Yeah, nigga, that's my bitch. So when she asks for the money, when you through, don't be surprised, bitch. And it ain't tricking if you got it. But you like a bitch with no ass. You ain't got shit. Motherfucker, I'm ill, not sick. And I'm okay, but my watch sick. Yeah, my drop sick. Yeah, my clock sick. Am I not thick? I'm ill. Motherfucker, I'm ill. Yeah, see, they say I'm rapping like Big J and Tupac. Andre 3000, what is Erica Badu at? Who that say they gon' be Lil Wayne? My name ain't Big, but I keep that flame. Like, who that wanna do that for? You knew that you that swallow. And I be this shit, now you got loose powers. I don't owe you like 2 hours, but I would like for you to pay me by the hour. And I'd rather be pushing flowers than to be in the pen sharing showers. Tony told us this world was ours, and the Bible told us every girl was sour. Don't play in a garden and don't smell her flower. Call me Mr. Carter, Mr. Lawnmower. Boy, I got so many bitches like I'm Mike Lowry. Even Gwen Stefani said she couldn't doubt me. My devil, I say life ain't shit without me. Chrome lips poking out the coupe, look like it's pouting. I do what I do and you do what you can do about it. Bitch, I'll turn a crack rock into a mountain. Damn, man, don't you compare me, cause there ain't nobody near me. They don't see me, but they hear me. They don't feel me, but they feel me. I'm ill at C3, 3P. Le meilleur du hip-hop et de la soul sur une seule radio. Génération Hip-Hop Soul Radio. J'ai commencé ma vie sans toi, j'ai pas terminé sans toi. On se quitte pour se retrouver et ça recommence à chaque fois. Y'a pas de seconde chance avec toi, moi j'ai trop parlé. Des petits caprices tout le temps que j'ai pris sur moi. Elle se rappelle de chaque seconde, des premiers rendez-vous qu'on se faisait en zoom. Elle dit que je fais l'effet d'une bombe, elle est prête à me suivre même dans ma tombe. Mais parle pas d'amour dans ma vie, j'ai trop donné. J'ai le cœur trop dur pour ça, faut me pardonner. Et dans sa tête c'est cafou, cafou. Va pas plus loin, ton cœur c'est moi et c'est tout Des copines me regardent trop chelou, chelou. De haut en bas, comme un pas de danse de katou, katou. On cherche à nous barrer la route. Écouter les gens, c'est douloureux. Je veux même pas savoir qui te parle. Et c'est moi qui te parle. Le couple, c'est nous deux. Arrête un peu de vivre pour eux. Trouve un juste milieu. N'écoute pas les gens qui te parlent. Quand c'est moi qui te parle. Le couple, c'est nous deux. Ah mon bébé. Commence d'abord par grandir. Tu poses les mêmes questions 100 fois, ça va mal finir. Si t'écoutes tout le monde, nous deux, ça va pas durer. C'est toi qui vas donner la force à nos ennemis. Dans toutes les bouches, c'est d'ajout, d'ajout. Tu n'as pas compris que là-bas, c'est tous des jaloux, jaloux. Les gens qui parlent sont partout, partout. De gauche à droite, comme un pas de danse de chapeau, chapeau. On cherche à nous barrer la route. Écouter les gens, c'est douloureux. Je veux même pas savoir qui te parle. Et c'est moi qui te parle. Le couple, c'est nous deux. Arrête un peu de vivre pour eux. Trouve un juste milieu. N'écoute pas les gens qui te parlent. Quand c'est moi qui te parle. Le couple, c'est nous deux. Ah mon bébé. Ah mon bébé. Ah mon bébé. génération. 9h13, c'est bon ça, c'est comme ça qu'on commence ce vendredi ensemble, ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui, au niveau du temps, c'est maximum 3 degrés au meilleur de la journée, il va faire vraiment gris, donc voilà, couvrez-vous, restez chez vous, si vous êtes en vacances, profitez au maximum, c'est les derniers jours. Et ceux qui sont au taf, bah force à vous. On est reparti avec mon gars sur Rof qui va débarquer pour un extrait de Surnaturel, ce sera le titre J'arrache tout, mais également... On a voulu nous regaler. Wicked Double A avec Débrouillard. Je vous cale aussi du 6ix9ine avec Fifi. Et tout de suite, on se met bien. On danse avec XXXTentacion et Lil Pump. C'est Arm Around You sur Génération. Bonne matinée. Le morning de Génération. C'est tous les matins avec Alexis et Jessica sur Ta Hip Hop Soul Radio. Avec Helvetica, la nouvelle collection de winter jacket pour passer l'hiver au chaud. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Cette semaine, chez Carrefour et Carrefour Market, les 5 kiwis filière qualité Carrefour et origine France sont à seulement 90 centimes. C'est génial pour faire le plein de vitamines et bien commencer l'année. Résultat des courses, avec Carrefour, c'est possible de bien manger sans se ruiner. Jusqu'à demain, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, les 5 kiwis filière qualité Carrefour et origine France sont à seulement 90 centimes. Carrefour. Vendu hors lot à 25 centimes, variété Award, catégorie 1, calibre 80-85 grammes. Plus d'informations sur carrefour.fr. Conforama, le confort pour tous. À ceux qui aiment la planète, mais aussi le cachemire. On offre 100 euros sur le lave-linge Samsung 7 kg, ultra économe et efficace à basse température, soit 399 euros. Pour faire les bons gestes au bon prix. Conforama, jusqu'au 28 janvier, conditions en magasin et sur conforama.fr. Énorme nouvelle pour les shoppers. Créteil Soleil est ouvert tous les dimanches, toute l'année, de 11h à 19h. Profitez de vos boutiques préférées, Primark, Zara, H&M, CA, La Fnac. Et ce n'est pas tout. Bon shopping à Créteil Soleil. Let's play. À vous de jouer. Picard. La galette des rois qui sort juste du four. La pâte feuilletée pur beurre qui croustille. La frangipane amande qui fond en bouche. Et la fève qui s'y cache. Je ne sais pas vous, mais moi, cette année, je compte bien être couronné. En ce moment, chez Picard, le roi, c'est vous. Alors laissez-vous tenter par la galette des rois frangipane pour 6 personnes à seulement 5,95€, soit 9,91€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Leclerc. Le pouvoir d'achat, on en a tous besoin. C'est important, on vit avec, tous les jours. C'est fragile, le pouvoir d'achat, difficile à maîtriser même. Le pouvoir d'achat, tout le monde en parle. Mais quand il s'agit de le défendre, alors là. Heureusement, on peut compter sur Leclerc. En 2019, Leclerc baisse les prix de 4600 produits marque repère, hors produits agricoles bien sûr. Chez Leclerc, pour défendre le pouvoir d'achat, on ne baisse jamais les bras, mais on baisse les prix. Plus d'informations sur macrepaire.com. TF1, Big Bounce, la course de trampoline. Ils ont entre 7 et 54 ans et vont se mesurer à la plus grande course de trampoline du monde. Qui pourra prétendre au titre de grand champion ? Big Bounce, la course de trampoline, présentée par Laurence Boccolini et Christophe Beaugrand, ce soir à 21h. TF1, partageant des ondes positives. Alors, j'en étais où ? Oui, le 23 janvier, Alain Gier de Paris nous a offert un sèche-cheveux. Ok, le 9 mai, Malika de Pau nous a offert un téléviseur à écran plat. Le 2 juillet, Denise de Cambrai nous a offert un radiateur électrique à glagla. Le 5 octobre, Arnaud V d'Ambert. En 2018, vous nous avez offert 76 millions d'appareils électriques à recycler, tous complètement HS. Merci pour votre mobilisation dans les déchetteries, les magasins et les réseaux solidaires partenaires d'écosystèmes. Et surtout en 2019, continuons à recycler pour préserver l'environnement. Écosystème. Écoutez Génération partout dans le monde sur votre smartphone avec l'appli Génération. Génération. I know we can harm you. forma en que me hablas. Ojalá invite a tu amiga a la buena, pa' que fumemos como fumamos en la buena. Siempre andamos positivos, esa es la forma en que vivo activo. Que se jode que no estoy lo mismo. Yo disfruto mientras siga vivo. Di que si que no te cuesta ni conmigo. Estás vestida de Chanel hasta los pies. Si tú te pones para el problema, yo me pongo como se tiene que ser. De una vez, bebé. Te llamo mami, let me hold you. Let me hold right around you, girl. Boy, could love and got all around you. To make sure no one can harm you. And mami, let me have you. Boy. Ça, tu l'as découvert avant tout le monde sur Génération. Lève ton cross, ton Glock et même ton Tisbook. Les salopes marchent en groupe, mes couilles marchent en couple. J'ai perdu la clé du succès mais j'ai les doubles. J'donne la force aux troupes, aux ultras et aux fauteurs de troupes. J'arrache tout gros, j'baisse tout gros. Et j'bosse avec les mots comme avec les pros. Surnaturel gros, j'attire les folles gros. Pas de K6 gros, loco loco loco. J'arrache tout gros, j'baisse tout gros. Et j'bosse avec les mots comme avec les pros. Surnaturel gros, j'attire les folles gros. J'aurais pu être un des leurs et devenir leur chef. Ma tatou est un périncé, t'as les Rogers, mes potos dans tes rêves. Que des rafales de missiles russes. J'aurais pu être ceux qui sucent en mode zumba pour tourner plus, mais dans tes rêves. J'pourrais remplir mon répertoire, être le pote du showbiz. Me faire looker par une maison disque dans tes rêves. On saute pas les étapes, on se connaît ap. J'pourrais très bien t'ajouter sur mon snap, les négros dans tes lèvres. J'pourrais exploiter les chichas des gueux. Tranquille avec les petits jusqu'à qu'il me manque pas l'esprit. Mais dans tes rêves. Prolique, qui te laisse le temps de dégainer. Tu vas faire pareil de pillage, t'as craqué dans tes rêves. Tu veux détourner nos boîtiers, détache tes poneys toutes éclatées. Panneaux publicitaires, t'es soigné dans tes rêves. T'es mort, t'as pas réalisé, tu penses pouvoir rivaliser, me neutraliser ou me canaliser. Mais dans tes rêves, j'arrache tout gros, j'baisse tout gros. Et hey, j'bosse avec les mots comme avec les pros. Surnaturel gros, j'attire les folles gros. Pas de S6 gros, loco loco loco. J'arrache tout gros, j'baisse tout gros. Avec les mots comme avec les pros. Surnaturel gros, j'attire les folles gros. Pas de K6 gros, loco loco loco. J'suis l'alliance de la paix, d'une guerre sanguinaire. L'hologramme de Totorina Jack, celui de la pépière. Groupie, décapsulé comme des bières. Ma carrière, un coup de poker. Ma chance est plus bonne, la plus bonne des croupières. Ils veulent me voir croupir, ton quartier disciplinaire. SNDL, mieux que les RPS, fuck SMPR. J'fais le taf, pour tous les départements.